Votre émission en balado débutera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Les balados sont écoutés par des personnes dynamiques, ouvertes d'esprit, qui savent à chaque moment ce qu'elles veulent. Tout comme vous, les employés du cabinet comptable Mallette les écoutent. Venez vous joindre à nous, comme clients, comme employés. Vous savez comment nous trouver. Mallette comptable. Votre émission en balado débute dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Jean-Sébastien Bach et l'universalité de sa musique. Le grand style de Bach de la maturité, ce style immédiatement reconnaissable et qui est, comme disent les Allemands, « unzeitgemäß », c'est-à-dire en dehors du temps. Il n'est pas moderne ou ancien et même sa musique, on ne peut plus savoir si elle est italienne, allemande du Nord, allemande du Sud. Elle est universelle. Le musicologue et grand spécialiste de Bach, Gilles Cantagrel, à l'émission Le printemps des musiciens, diffusée en 2012, Bach, que certains considèrent comme le père de la musique, a pourtant été boudé à certaines périodes de sa vie. Et à sa mort, on a d'abord considéré que sa musique, elle était démodée, tout simplement, avant d'y revenir et d'y reconnaître enfin toute sa puissance et toute son universalité, justement. La musique de Bach est une musique très savante et en même temps très populaire. Et ça fait mentir des gens qui très souvent disent « il faut faire une musique populaire ou une émission populaire ou écrire un livre populaire et il faut qu'il soit très simple ». Eh bien non, la musique de Bach est très complexe et très populaire et je pense parce qu'il y passe une spiritualité que l'auditeur moyen ne découvre pas tout de suite, ne peut pas analyser, mais qu'il sent. Je crois que si la musique peut être consolatrice, celle de Bach est certainement la plus profondément et la plus chaleureusement consolatrice. Roland de Candé, autre musicologue et grand spécialiste de Bach, lors d'une édition spéciale de l'émission Le Point, diffusée à l'occasion du tricentenaire de la naissance de Bach en 1985, pour nous parler de la vie, de la musique de Jean-Sébastien Bach, je reçois Françoise Davoine, une amie de l'émission, amoureuse de musique classique, animatrice à la retraite d'Ici Musique. Françoise Davoine, bonjour. Bonjour et amoureuse de Jean-Sébastien Bach. Surtout. Je le dis, ouais. Je ne me cache pas. Commençons par là. Vous le placez où, Jean-Sébastien Bach, parmi les plus grands, Françoise? Oh, tout en haut, oui. Tout en haut des plus grands, certainement, justement par son universalité dont parlaient Gilles Cantagrel et Roland de Candé, de par le fait que chez lui, tout est en équilibre, qu'on ne le prend jamais en défaut. Et c'est un génie créateur, mais d'une dimension hallucinante, doublée d'une capacité de travail renversante. Ouais. Et puis, c'est aussi un cœur immense qui bat pour toute l'humanité et qui bat encore et qui ne cessera jamais de battre. Pour ouais. moi, Jean-Sébastien Bach, c'est cela. Quand je présentais sa musique à Ici Musique, je parlais toujours de notre grand ami Jean-Sébastien Bach. C'est celui vraiment sur l'épaule de qui on a envie de se poser. Mmh. Et c'est celui qui nous écoute et qui nous console, comme disait Roland de Condé, vraiment. Le plus grand pour vous, il y en a de très grands tout à côté de lui aussi. Comment comparer sa musique, comment comparer Bach à Beethoven, Mozart, Vivaldi par exemple? Je pense que justement je parlais de cet équilibre, on le prend jamais en défaut, il y a le sens logique, il y a le pouvoir infini d'expression aussi, il y a toujours l'équilibre entre la tête et le cœur. Oui. Et je crois que ça a aussi été le plus grand médiateur entre l'humain et le divin. Et ça, je crois pas qu'on puisse le dire des autres. Oui. Alors je pense que c'est ça qui le caractérise. C'est à la fois très construit, mais ça reste toujours dans l'émotion profonde. C'est ça. Il y a eu toute une époque où on parlait de Bach, machine à coudre, oh Bach, ta-ta-ta-ta-ta. Mais non, c'est oublier toute la dimension humaine de ce grand créateur qui a aussi été un très bon vivant, qui a eu 20 enfants quand même. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut jamais oublier. Ouais. C'est ce que je vous dis, c'est ce cœur qui bat. Ben, parlons-en un petit peu de l'homme, parce qu'il y a quelque chose. Puis évidemment, on va parler de sa vie, de son parcours tout au cours de l'émission, mais en un mot quand même, il y a une apparence de paradoxe, de contradiction quand on regarde Jean-Sébastien Bach. Une œuvre monumentale. musicale, une vie à certains égards plutôt banale. Quel genre de vie il va avoir, Françoise d'Avoine? Oui, c'est vrai, une vie assez banale où il n'est pas sorti de l'Allemagne, du centre de l'Allemagne, contrairement à d'autres compositeurs comme Mozart, par exemple, qui a voyagé beaucoup. Et puis, une vie de famille très importante, rien de vraiment spectaculaire. Une vie ordinaire, entre guillemets. Oui, mais une vie de travail. C'était un bourreau de travail, c'était un grand fougueux, c'était quelqu'un de fort tempérament, c'était quelqu'un qui aimait vraiment faire ce qu'il avait envie de faire, et c'était aussi un grand croyant, ça faut le savoir, hein, qui a écrit toutes ses œuvres soli deo gloria, à la gloire de Dieu. C'était aussi un pédagogue inspirant, d'abord pour ses enfants, pour ses élèves, c'était un très bon père de famille, un bon vivant, voilà, et puis c'est devenu le plus universel des musiciens. Il y a quand même deux astéroïdes qui ont été nommés en son honneur, et puis dans la sonde Voyager, il y a trois extraits musicaux qui sont de la musique de Jean-Sébastien Bach. C'est quand même pas rien. Ça commence où? Ça commence quand pour lui, son véritable début de carrière? Son début de carrière, il a 19 ans lors de son premier poste. Mais auparavant, il a grandi dans un tout petit village de la Thuringe. Hein, et il a été très, très tôt, on a détecté ses dons. Il écrivait de la musique très petit. Il volait des partitions à son grand frère qu'il a élevé parce que ses parents étaient morts quand il était très jeune. Et il copiait à la chandelle le soir. Et on voyait déjà qu'il voulait tout apprendre, tout savoir, comment ça marchait. Est-ce qu'on allait pouvoir faire de plus? Alors après ça, il est allé étudier dans le nord de l'Allemagne. Il a découvert par ses profs de musique de la musique de style français. Hop, ça y est, il a intégré. Vous savez, quand les enfants sont doués, ils intègrent très, très vite. Il est revenu. Et là, à 19 ans, il est organiste et il a déjà une très belle réputation. Il faut dire que dans la famille Bach, on est musicien depuis longtemps. Ouais. Dans les registres au XVIIe siècle de cette région, Thuringe et Saxe, il y a des dizaines de Bach qui sont musiciens dans les cours et dans les églises. Alors, il a vraiment un bagage familial, disons des gènes familiaux, qui le prédispose à être un bon musicien. Un peu comme un artisan. En préparant l'émission, j'entendais un extrait, on ne peut pas tout diffuser, mais on disait un peu comme le charpentier. Les charpentiers étaient charpentiers de père en fils. Les Bach étaient musiciens de père en fils. Comme au Québec, on a les Lagacé, la famille Lagacé, où ils sont tous musiciens de père en fils et fille. Mais voilà. Donc, il y a des familles comme ça où tout le monde touche à la musique. Et donc, son premier poste, c'est à Arnstadt. Il a un poste d'organiste attitré. Il commence donc à jouer en 1703, donc à Arnstadt. Oui. Alors, c'est une toute petite bourgade. C'est à 23 km de là où il a grandi, vous voyez. Et puis là, il est gourmand, il apprend, il découvre tout ce qu'il faut. Et à l'âge de 20 ans, là, il prend une décision qui montre bien son tempérament. Il décide d'aller rencontrer son idole. Mais à l'époque, quand on va rencontrer son idole et qu'on s'appelle Jean-Sébastien Bach, on y va à pied et c'est à 400 km. Oula, quand même. Et son idole, c'est un très grand musicien, organiste et compositeur très réputé dans toute l'Allemagne du Nord qui s'appelle Dietrich Buxtehude. Alors, l'église pour laquelle il travaille lui donne une permission de 4 semaines et il va revenir au bout de 4 mois. C'est très révélateur. Ouais. Hein. Alors là-bas, on ne sait pas trop comment il a vécu, mais on sait qu'il a entendu beaucoup de concerts, qu'il a pu côtoyer donc Dietrich Buxtehude, voir comment il composait. Là aussi, il a trouvé de nouvelles façons d'écrire de la musique. Il a encore une fois tout absorbé, tout ça. Il est revenu 4 mois plus tard. Inutile de vous dire qu'il n'a pas été très bien accueilli à son retour. Et là, les gens qui l'embauchaient ont commencé à trouver que sa musique était un petit peu trop bizarre. Il y avait des drôles d'accords. Alors, lui, comme il était de fort tempérament, il a décidé de quitter Arnstadt et d'aller ailleurs, en fait. Et de fait, ça s'entend dans la musique qu'il va composer à cette époque-là, parce que cette fougue, on va tout de suite, on va pas s'en priver, on va écouter tout de suite un extrait de cette toccate en ré mineur qu'il compose à peu près à ce moment-là et qui nous montre déjà un peu ce tempérament fougueux qu'a Jean-Sébastien Bach. Thank you. Alors, on entend bien ce tempérament fougueux dont vous nous parliez à l'instant, hein, Françoise d'Avoine, dans cette toccate en ré mineur. Ce genre de pièce, c'est ça qu'il va composer à ce moment-là, Jean-Sébastien Bach. C'est ça qui va indisposer un petit peu ses patrons d'Arnstadt. Oui, c'est ça. Les accords étranges qu'il mettait dans ses improvisations et puis de sa musique pour orgue et tout ça. Alors, et puis cette musique, elle révèle bien ce tempérament fougueux, mais elle révèle aussi sa grande connaissance déjà des techniques d'écriture et de l'instrument aussi pour lequel il était réputé et qu'il faisait vraiment sonner comme un orchestre. Voilà. Donc, il va finir par quitter Arnstadt pour se retrouver où? À Weimar, comme violoniste de la cour du duc de Weimar. Il va se marier avec une de ses cousines, Maria Barbara Bach, et il va passer 8 ans à Weimar. Il y aura 6 enfants, dont 2 sont morts à la naissance, et sa réputation est très grande. On le consulte pour l'entretien des orgues dans toute la région. Et c'est là que, grâce à un des princes voyageurs de la cour de Weimar, il va découvrir la musique italienne. Parce que ce prince voyageur rapportait des manuscrits, c'est comme ça que la musique voyageait à l'époque, et lui, il a découvert donc tout le soleil de cette écriture, la musique de Vivaldi et de beaucoup d'autres. Et c'est là aussi qu'il a continué à écrire son petit livre pour orgue. Il écrivait beaucoup pour orgue. Et puis après Weimar, donc en 1717, il est nommé, ça c'est important pour lui, il est nommé Kapellmeister. Il faut savoir que c'est un poste, maître de chapelle, très très important, à Köthen. Oui, après avoir fait de la prison. Ah bon? Faut le savoir ça, parce que quand le maître de chapelle du duc de Weimar est décédé, Bach était sûr qu'il aurait le poste, et on ne lui a pas donné. Alors il a été vexé, il s'est cherché un autre poste, et c'est là que le prince d'Anhalt-Köthen lui a offert un poste de maître de chapelle. Mais le duc de Weimar a dit hey, rupture de contrat. Il l'a envoyé en prison pendant 4 semaines, et après il l'a laissé partir en lui signifiant sa disgrâce. Et vous savez ce qu'il a fait dans la prison? Eh bien, il a continué à travailler. Il a corrigé son petit livre pour orgue. Donc, il arrive à Köthen. Et là, il a un salaire 2 fois plus élevé. Il a un prince 2 fois plus jeune. Un prince qui aime la musique. Qui aime la musique, est instrumentiste lui-même. Mais le culte n'est pas luthérien. Le culte est calviniste. Alors là, il n'y a pas de musique dans les églises. Il n'y a pas de tradition chorale dans les églises de la ville. Donc, ce que le prince musicien veut développer, c'est la musique profane. Mais c'est quand même une période très heureuse parce que c'est probablement la période où il va le plus voyager. Ouais. Il accompagne son prince... Ouais. En tournée, dans ses voyages, avec un petit ensemble instrumental. Et il a beaucoup de plaisir. Ça va être un peu assombri, cette période de grand bonheur pour lui par le décès de son épouse, Maria Barbara, en juillet 1720. Racontez, c'est horrible, en fait, ce qu'il va vivre à ce moment-là. Horrible, racontez-nous ça. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. Alors, il part en voyage avec son prince et quand il revient, sa femme est morte et enterrée. Incroyable, et il retrouve ses 4 enfants. Il a 34 ans, il se retrouve seul avec 4 enfants. Alors, il va évidemment continuer à... Il va être très, très affecté et c'est dans le travail qu'il va trouver son salut. Comme toujours, parce que c'est vraiment un bourreau de travail. Et de ces mois qui vont suivre le décès de sa bien-aimée, va ressortir ceci. Les célèbres concertos brandebourgeois, on entendait le premier mouvement du deuxième concerto. C'est en 1721 qu'il compose les concertos brandebourgeois. Cette musique-là, Françoise d'Avoine, en quoi elle est représentative du travail qu'il va faire Bach à la cour de Köthen? C'est de la musique instrumentale. C'est là, dans la cour de Köthen, donc il a écrit ses suites pour violoncelle, les partitas pour violoncelle, le premier livre du clavier bien tempéré, puisqu'il ne pouvait pas écrire de musique d'église. Et en fait, c'est probablement dans les musiques les plus joyeuses. De Jean-Sébastien Bach. C'est là qu'on voit comment il a absorbé ce soleil et cette virtuosité de la musique italienne, en même temps que l'esprit dansant de la musique française, on l'entend bien aussi, avec le génie, il ne faut pas l'oublier, de Jean-Sébastien Bach. Mais cette universalité dont on parlait dès le départ. Elle est déjà là. Elle est déjà là dans cette synthèse des moyens, des ressources. Oui. En décembre 1721, pendant qu'il est donc à Köthen, il épouse Anna Magdalena Wilke. Quelle importance elle aura, cette femme-là, pour lui dans sa vie, mais on le sait de plus en plus dans son œuvre. Oui. Elle a 16 ans de moins que lui. et ils vont avoir 13 enfants ensemble. Alors déjà, ça c'est très important, hein, dont 10 en 10 ans, je mentionne. C'est fou, hein. Et dont 6 vont atteindre l'âge adulte aussi. Alors c'est déjà beaucoup. Mais en plus, donc elle va porter les enfants, elle va tenir maison et elle va être une compagne de chaque instant puisqu'elle est soprano elle-même de Jean-Sébastien Bach. Elle a beaucoup recopié ses œuvres. Il y a certains musicologues qui pensent aussi que peut-être certaines œuvres de Jean-Sébastien Bach seraient d'Anna Magdalena. Ah bon. Mais ça, c'est une autre histoire, Jacques. Ouais. 1723, il a la bougeotte. Bach, c'est souvent dans les mouvements d'humeur qu'il part aussi, qu'il quitte un endroit pour un autre. Mais 1723, toujours est-il qu'il se retrouve à Leipzig, où il va passer plus de 25 ans. C'est là, d'ailleurs, qu'il va mourir, en 1750. Racontez-nous dans quelles circonstances il se retrouve, parce que ça vaut le détour à Leipzig. Oui, d'abord, il faut dire qu'il commençait à s'ennuyer quand même à Köthen. Il aimait beaucoup la musique instrumentale, mais la musique religieuse et sa vie d'organiste d'église lui manquent. Alors, il essaye de trouver une autre position. Puis en plus, la famille, il s'est remarié, il veut fonder encore une famille, donc il cherche ailleurs. Et puis, à Leipzig, on cherche un cantor de l'église Saint-Thomas. Et il y a plusieurs candidats. Et puis, c'est compliqué, ça ne se fait pas si simplement. Il faut être approuvé par des comités, puis les comités prennent position pour... C'est un peu politique, en fait, disons-le, résumons-le comme ça. Alors, il arrache le poste, mais en fait, ce n'était pas Jean-Sébastien Bach qu'on voulait. On aurait préféré avoir un autre grand compositeur de l'époque, Georges-Philippe Telemann, qui était le parrain d'un des fils de Bach. Oui, mais c'est le deuxième choix. Mais donc oui, ce n'est pas un premier choix. Ça part c'est vrai, mal, c'est comme on dit. ce séjour qui sera pourtant très, très long, la 27 années de sa vie qu'il va passer à Leipzig. C'est là qu'il va écrire parmi ses plus grands chefs-d'œuvre. Comment décrire cette très, très longue période qu'il passe à Leipzig? Oh, une période où, devinez quoi, il va travailler comme un fou. Oui. Hein, parce qu'être cantor à Leipzig, c'est énorme comme tâche. Il faut qu'il fournisse la musique pour les offices religieux des dimanches et des jours de fête de 4 églises de la ville, en plus de la diriger lui-même en alternance dans 2 des églises. Hein. Alors, il faut des cantates, c'est-à-dire ces œuvres qui sont des compositions musicales, vocales et instrumentales qui portent sur un des thème de la liturgie et qu'on chante donc chaque dimanche, hein, chaque service. Mm-hmm. Alors il va en composer 5 cycles. Hein. Il en reste à peu près 200 aujourd'hui. Il y en a qui ont été perdus. Mais évidemment, elles ne sont pas toutes... Physiquement, il ne peut pas. Alors il va en reconstituer, il va les piger dans des œuvres anciennes. Il fait du recyclage en fait de ses propres œuvres pour y arriver. Hein. Et il va composer des passions, il va composer des œuvres pour Noël. Ouais. En plus, il est directeur de la musique de la ville. Donc chaque fois qu'il y a la visite d'un prince ou un enterrement... ou une commémoration spéciale, il faut qu'il fournisse la musique. Et c'est compliqué. Alors, c'est énorme. Il est toujours en tiraillement avec le conseil municipal. C'est pas d'aujourd'hui que ça date, hein, les histoires entre les responsables de la culture et les municipalités, vous voyez. Il est obligé d'enseigner à l'école de Saint-Thomas. C'est 60... C'est un peu comme ça que c'est décrit. Oui, mais il chantait bien. Ouais. C'était ceux qui chantaient les cantates à l'église. Mais il faut qu'il enseigne, et pas seulement la musique, il faut qu'il enseigne aussi le latin et le catéchisme. Et puis, les locaux sont délabrés, alors il va se battre contre le conseil pour toujours avoir plus d'argent. Bref, c'est une tâche absolument énorme. Ouais. Et parmi les très grandes œuvres, les œuvres de la maturité que Bach va composer à Leipzig, La Passion, selon saint Matthieu. Vous disiez un peu plus tôt, Françoise Davoine, qu'il écrivait pour Dieu, Jean-Sébastien Bach. Ça, c'est évidemment céleste, complètement. Prends pitié de moi. On entend très bien, en fait, le violon qui est là. C'est après que Pierre ait renié Jésus 3 fois dans la Passion et il demande pardon, il veut demander pardon. Ouais. Et on entend le violon qui sanglote avec la voix. Hein, c'est typique de l'écriture de Jean-Sébastien Bach. Cette osmose qu'il a créée, la construction, toute la symbolique des nombres, dans la construction des œuvres, le choix des instruments, les timbres de la voix, les lignes, les motifs mélodiques, ouais. les petites notes qui descendent quand le texte pleure. Hein. Ouais. C'est ce qui fait qu'en fait, comme si on pense que le texte dicte la musique, mais c'est plutôt la musique de Bach qui révèle l'essence du texte. En Et fait. Cette musique céleste, ces sommets qu'il atteint, on revient un petit peu à ce qu'on disait au tout début de l'émission, ça se fait tout naturellement et dans un cadre de vie très ordinaire où, par exemple, la famille à Leipzig va être très, très importante pour lui. Oui. Alors, parce que là, la vie de famille est très importante. Imaginez tous les enfants qui courent. Hein. Alors, on fait de la musique en famille, on chante, il y a des instruments partout. Et Jean-Sébastien Bach est un... Imaginez ça, ce brouhaha et d'entendre ce qu'on vient d'entendre. Oui, qui est documenté parce qu'il y avait beaucoup de visiteurs hein, dans la famille Bach. Alors, on le sait, c'est un père attentionné, c'est un pédagogue qui va écrire beaucoup d'œuvres pour ses propres enfants, pour qu'ils apprennent la musique. Il aime la vie, il veut le meilleur pour ses enfants. Et puis, on a tous ces livres de contes, c'est très rigoureux. Alors, on voit qu'il aimait bien manger, qu'il aimait bien boire du bon vin, qu'il aimait le café. Il a écrit une cantate, hein, la cantate du café. Alors, on y mène une vie normale, entre guillemets, d'une famille nombreuse, mais avec un papa qui est fonctionnaire municipal et qui travaille jour et nuit quasiment. Dans les 10 dernières années de sa vie, il va s'éloigner un petit peu de la musique sacrée pour revenir à la musique instrumentale. Ça va donner aussi, Françoise, de très, très grandes œuvres. De très grandes œuvres qui sont considérées comme son testament musical. Parce qu'il faut dire qu'il n'a jamais cessé d'apprendre. Vous parliez tout à l'heure d'un artisan. Puis je trouve que ça va très bien à Jean-Sébastien Bach, qui remettait sans cesse son ouvrage hein, sur le métier, qui jamais n'a pris aucune solution comme une recette, vous savez, pour refaire la même chose. Quand vous pensez à toutes ces cantates, si vous les écoutez, il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours, vous savez, c'est ça le génie. Ouais. C'est là-dedans, c'est dans le détail, c'est dans le peaufinement. Et il va revenir, il va travailler inlassablement encore, mais il va laisser certaines de ses responsabilités de cantor et il va revenir à l'écriture instrumentale pour approfondir les procédés d'écriture qu'il a étudiés pendant toute sa vie. Alors, c'est ce qui va donner les grandes œuvres comme les variations Goldberg dans le clavier Übung ou l'offrande musicale, l'art de la fugue. Ouais. En fait, ce sont que des chefs-d'œuvre. Il meurt en 1750 à Leipzig, après avoir perdu la vue l'année précédente. Après sa mort, Françoise d'Avoine, on va lui tourner le dos. On va dire que sa musique, elle est démodée. Comment expliquer ce désamour heureusement passager pour la musique de Bach? Mais d'abord, il faut bien comprendre que ce n'était pas de la musique de concert. Pour la plupart des œuvres, c'était vraiment de la musique d'église, déjà. Hein? Et puis, c'était de la musique écrite pour certaines circonstances, pour des princes, pour des cours et tout ça. Donc, on n'allait pas dans des salles de concert pour écouter de la musique de Bach. À un moment donné, dans sa vie, il est devenu aussi directeur d'un orchestre instrumental à Leipzig, au Café Zimmermann, pour lequel il a écrit aussi des œuvres. Donc ça, il faut le comprendre. Il a mené l'écriture de l'époque baroque vraiment à une apogée, mais pour la génération suivante, c'était une musique tellement sophistiquée, tellement savante, on se tournait, disons, plus vers la légèreté, un style plus galant, moins complexe aussi. Alors, il a été, en effet, un peu mis de côté, mais attention, pas par les compositeurs. Ouais. Il a toujours été vénéré par les compositeurs. Haydn, Beethoven, Mozart se sont abreuvés à la musique de Bach, pour ne nommer que quelques-uns. C'est auprès du public, peut-être, que la musique ne trouvait plus vraiment d'écho. Et il va falloir attendre vraiment plusieurs décennies avant que cette musique retrouve une seconde vie hors du contexte religieux, donc dans les salles de concert, grâce entre autres à Felix Mendelssohn, grand compositeur du 19e siècle, qui était directeur de la musique à Leipzig, donc au début du 19e siècle et qui l'a remise à l'honneur. Voilà. Aujourd'hui, Françoise d'Avoine, on boucle la boucle, mais quelle place il occupe, Bach, dans l'univers de la musique? C'est vraiment le plus universel des grands maîtres et il continue à nourrir les plus grands. Ouais. Les compositeurs vont tous encore aujourd'hui s'abreuver à la musique de Bach. Les interprètes aussi s'y nourrissent et tous les habits lui vont. Hein? Que ce soit celui de la musique populaire, que ce soit celui des musiques du monde, que ce soit le jazz, aujourd'hui, il est encore partout. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est un cœur immense qui ne cessera jamais de battre. Françoise d'Avoine, animatrice à la retraite d'Ici Musique, amie de l'émission, c'est toujours un infini bonheur de vous recevoir. Merci, Françoise. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.